Monde assure, Christian Kachama, courtier en assurance. Mamie Sakolo Loboko, Boyoka Papi Pepi, na petit frère Naye, Wera son Igwe, da antibiotico Nola. Na tango soso elela kana tongo na mbokae. Ouais. Bato bala mukana pongi va kende mosala. Ngaina la mukaka na susi na motema. Ya wivine ndola mwasi na lila ye. Baboti na ye maman timba Julienne. Balinga te tozala tinango na yebite. Nga papi pepi solo na kamwe. Paolo de Souza motema ya Blandine. Bolingo ya moto awanse Wilema na Marie Claire. Bako peki sakate bako kota kapete. Jeje Kalonda. Bobota mwana kasi bobota motema na yete. Wivine ndola linganga lokola nga pena linga ye. Wivine ndola linganga ye nga pena linga ye. Eme Amaral Botika bizeti. Boko yako sutuka ye si tokenda. Car elle est toujours ma femme. Quoi qu'il en soit, golfe qui zola. Oui, vine ndola, c'est toi l'amour de ma vie. Ouais. Ma petite Orléanaise, le qui a miré. Zoto qui toko et lengi koleka petit déjeuner. Nama boko mayo, asala kamwana kelasi. Chéri, on ton a douceur, bonbon si c'est un anga. Yo koma de koto la badouleri a monte mananga. Ma titi nanzoto kanisa forêt équatoriale. Taï moyenne, loketo sembe elengigu. Koleka badanse za konono. Ezanga mikuwae. Na papi pepi na tingami na yo. Antibiotique nanga. Chris Moulenda, le prince de Drancy. Mote ma maman Brigitte Gallo. La force est tranquille. Makati Kongolo. Je m'appelle Papi Pepi, je les resterai jusqu'à ma mort. Ça c'est l'album des albums. Ce qui n'a pas eu au tête du tendai. Moïse Katoum, il y a pas que ma petit joueur. Koleka Makaro. Boko no ba boko le me ponanga na ye. Boko fina boko so sola boli mwezali kaka. Ouvi de no la poupe papi. Mwa na mbo na lula ye. Nege na lula ki boko lo. Bana kasavu, nazana maboko à l'ingénieur Serge Gabam, wana kave. Masasi boko betanga liwana kondima. C'est vrai. Nazali mwana muzombo. Na muluba. Nanesa yonzombo. 50-50. Unangola tu kwena, ono selimbambe. Ejipika kitenge, sambizanga Joel Bentenge. Restazoro, politangu papi kanza de beste. Sami Obi, papa na Mervi, Samuela et Floriane. Jean-Pierre Kedi Olemi. Nadège Bakouma. Kimalomba. Papa Lades. Rwanda. Chante héritier. Présence na yo, pembeni na ngai sala kanga toujours. Mon fils. Mabe ya malumu na ona petit Bercy de Clonina. Je te bénis. Miss Marco Sassi. A mon nom personnel, tu iras très très loin. Adieu qui pourra, golfe qui sola, tombo kabwana jamais. Studio NJ. Ale koutoula les champions, Freddy Ngoma na le lieu. Na tinga mi na yo e, Don King Tombo na yo e. Lokola se bondo papi kakole, tete ki mberni. Héritier. Olivier Malebata, Antolo Ngange, Mokira Kira, Nakasa Fubu. Yeah!